L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Septième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme, et le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Henke, ancien officier de marine, et quelques jours plus tard, sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et aux services secrets. J'avais découvert que Hakan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage. En tout cas, j'étais sûr désormais qu'il savait des choses qui pouvaient gêner certaines personnes haut placées. Hakan et Louise avaient-ils planifié leur disparition? J'étais en train d'y songer sérieusement lorsqu'un violent malaise m'avait envoyé à l'hôpital. Loin au nord, là où la neige tombe, silence, sur les forêts et la mer. Autour des lacs reflétant la lune et des fjords. Il a peur du noir. J'ai pas le droit d'entendre. J'ai pas le droit d'entendre. La lumière les brûlerait et il disparaîtrait. Vous avez fait un choc insulinique, monsieur Wallander. Le temps où vous pouviez vous contenter d'une surveillance sporadique de votre taux de glycémie est révolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai retrouvé inconscient chez toi, gisant dans la cuisine. Je me rappelle que j'avais faim, mais j'ai rien mangé. Écoute, papa, ça peut pas continuer comme ça. T'aurais pu mourir. Si je m'étais pas inquiétée que tu répondes pas à ton téléphone et que j'avais pas pris ma voiture, tu serais mort, là, tout seul, sur ton carrelage. Non, mais c'est vrai, papa, tu fais n'importe quoi. Et un jour, ce sera la fois de trop. Je veux que Clara puisse connaître son grand-père. Donne-nous encore 15 ans, après tu fais ce que tu veux de ta vie. Linda, je veux bien... Non, je suis venue te donner le bonjour de ta petite fille. Tu te mets bien ça dans le crâne, Kurt. C'est ta responsabilité. Survivre. Vous devez impérativement vous reposer. Je croyais que vous étiez en congé. Nous vous gardons jusqu'à demain, le temps qu'on soit certain que votre taux de sucre revienne à la normale. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. Excusez-moi, docteur, est-ce que vous auriez un ordinateur portable à me prêter? Monsieur Wallander, je viens de vous dire que vous... S'il vous plaît, c'est important. Chez moi, avec mon chien, mes fantômes, ma solitude, mes listes, les quatre décisions les plus importantes de ma vie, devenir policier contre la vie de mon père, tuer un homme et continuer le métier, emménager à la campagne, quitter Mona. Des chiffres. Ma glycémie. Comment peut-on avoir envie de rester mort si longtemps? Cher Itterberg, je t'envoie ce message car je mesure mes limites et mon âge. Pour la première fois de ma vie, une illusion que je partage avec beaucoup de monde, je dois passer le temps qui me reste à m'occuper de ma famille. Le temps perdu ne revient pas. Pris la décision... de te laisser travailler seul, j'ai toute confiance en toi. Toi, on peut dire que tu sais accueillir les gens. Sten, je suis désolé, je t'avais complètement oublié. Ah, t'en fais pas, ça t'aurait pas empêché de faire un malaise. J'ai attendu un peu à l'aéroport et puis je me suis dit que t'avais dû avoir un problème. Au commissariat, ils m'ont dit que je te trouverais là. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? Ils m'ont dit de te souhaiter un bon rétablissement. T'as des amis, Kurt, c'est certain. Et c'est parce que t'es commissaire que t'as des passe-droits d'ordinateur portable. À l'accueil, on m'a dit que je devais pas te fatiguer. Je m'attendais pas à te trouver en plein boulot. Non, ça, je fais juste des mails, ce genre de choses. Mais dis pas que tu vas me sortir un cylindre d'écoute dessous ton oreiller. En Scanie, il faut jamais jurer de rien. Et c'est moi qui dois pas le fatiguer. Allô? Ah, Heiderberg, bonjour, c'est incroyable. J'étais justement en train de t'écrire un mail. Je peux te parler un peu? Oui, vas-y. Écoute, c'est fini, on a retrouvé Louise. Elle où ça? T'en es sûr? Oui, malheureusement, oui. Mon Dieu. J'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas faire un autre malaise? Louise est morte. C'est la première fois que j'enlève un flic à l'hôpital. On passe chez moi récupérer le cylindre et on fonce à Stockholm. Et ta fille? Tu comptes la prévenir? Je sais pas. J'ai l'impression de plus rien savoir. J'arrive pas à croire que j'en ai un sous les yeux, mais c'est clair qu'il s'agit bien de ça. Tu m'expliques avant que je fasse mon sac? Heiderberg m'a dit qu'il pouvait garder le secret pendant une heure, mais qu'après il faudrait qu'il prévienne Hans. Et je pense que ma fille va pas tarder à débarquer. Je suis pas sûr d'avoir envie d'être encore là. Dans les années 70, un Américain du nom de James Bradley, chef des forces sous-marines US, avait, comme beaucoup de ses concitoyens, une seule obsession, gagner contre les Russes. Il passait des nuits à réfléchir à un moyen de les battre sur leur propre terrain. Un jour, il a eu une idée merveilleusement simple et efficace. À l'époque, les sous-marins russes effectuaient leurs essais nucléaires dans la mer d'Okhotsk, à partir d'une base navale sur la presqu'île de Kamtchatka. Mais l'état-major de la flotte du Pacifique se trouvait à Vladivostok, de l'autre côté de la mer d'Okhotsk. Séparé par le Japon, donc. Par le Japon et par 1,5 million de mètres carrés d'eau glacée. Pour communiquer, les Russes avaient donc installé un long câble au fond de la mer. Plutôt que de chercher à intercepter de façon plus qu'approximative des communications radio cryptées, brouillées, voire délibérément fausses, le plan de Bradley consistait tout simplement à fixer sur ce câble un dispositif d'écoute. Mais comment localiser un câble au milieu de l'océan? C'est là que toute la simplicité géniale de l'idée de Bradley entre en jeu. Et, comme toutes les idées géniales, on les reconnaît au fait que, pour des raisons qui paraissent complètement incroyables, personne ne les a jamais eues avant. Bradley s'est souvenu de son enfance, les étés passés au bord du fleuve Mississippi. Sur les berges, il y avait des panneaux qui signalaient aux navires « Mouillage interdit, câble sous-marin ». Et c'est aussi simple que ça. Il s'est dit que les panneaux de signalisation devaient exister en Union soviétique comme ailleurs, et il avait raison. À part Vladivostok, l'est de la Russie était un vrai désert, donc un câble à cet endroit ne pouvait être que celui de l'état-major. Ils ont envoyé un sous-marin lors d'une opération délicate top secret, opération qui fut miraculeusement menée à bien. À partir de là, les Américains ont pu entendre les bases russes parler avec leurs sous-marins en opération. Bradley fut chaudement félicité par Nixon, et ce succès leur donna des envies de continuer de notre côté de la planète. Nous savions que les Russes avaient leur principale base navale à Leningrad et qu'ils en avaient d'autres, plus ou moins secrètes, dans les Pays-Baltes et en RDA. Des bases secrètes à nos portes? Nous n'étions pas les seuls à dynamiter la Roche-Mer. Les Allemands le faisaient déjà du temps de Hitler, et les Russes ont continué quand l'étoile rouge a remplacé la croix gammée. Quoi qu'il en soit, un agent double est-allemand qui avait dû prendre goût à la Dolce Vita de Londres a confirmé l'existence de ce câble reliant Leningrad et les Pays-Baltes. Il a donné son emplacement à un homologue anglais qui s'est empressé de le vendre à prix d'or à nos amis américains. Ensuite, la rumeur a couru que ces mêmes Américains se seraient mis à quadriller nos eaux pour équiper ce câble du petit frère du cylindre de Kamtchatka. Et tu crois que c'est ce truc qui est sur la table de mon salon? Celui-là ou un autre, oui. Alors là, c'est au-dessus de mes compétences. Je vais tout donner comme prévu à la brigade criminelle de Stockholm. Ce qu'ils décideront de faire ensuite, avec les services secrets et avec l'armée, ne me concerne pas. Je vais faire mon sac. Ah, Wallander, bienvenue dans ma maison de vacances. Non, il n'est pas là. Monsieur Nordlander, commissaire, passez dans mon bureau. Ah, les commissariats me mettent mal à l'aise. Et moi donc? On a retrouvé Louise Van Enke au bord d'un sentier, dans une coupe claire de forêt à 3 kilomètres de la route la plus proche. Ça ressemble à un suicide. Aucune trace de violence et un flacon de somnifère vide à côté d'elle. Elle a peut-être avalé une centaine de comprimés. On attend le rapport d'autopsie. Pourquoi aller choisir un endroit pareil? Je ne sais pas. On ne peut pas dire que ce soit un bel endroit pour mourir, au milieu des feuilles mortes et de vieilles souches pourries. Rien de particulier sur les lieux? Elle était couchée en position fœtale, ses chaussures sagement alignées à côté d'elle. Dans son sac à main, un ticket de pressing et ses clés, c'est tout. C'est ça qu'elle aurait fait pendant tout ce temps? Préparer son suicide? Bonne question, c'est possible. Et pourquoi enlever ses chaussures? À l'intérieur, je veux bien, mais dehors, en pleine forêt. Encore une bonne question. Mais aucun de ses vêtements n'était dérangé ou sali, ce qui indique a priori qu'elle s'est allongée là d'elle-même. Et aucune trace de Hakan? Non, aucune. Et on a une autre bonne question aussi. On n'a retrouvé aucune trace de véhicule sur la route. Pas de voiture de location, rien. Peut-être a-t-elle pris un bus ou un taxi. On est en train d'appeler les agences de la région. Commissaire, j'ai récupéré le... Oh, pardon. Bonjour, messieurs. C'est au sujet du signalement que vous m'avez demandé. Je repasserai plus tard. Non, non, Rebecca. Je te présente Stan Nordlander et le commissaire Wallander. Ce signalement l'intéresse, justement. Enchantée. C'est un honneur de vous rencontrer. Merci. Alors ? Alors, il s'agit d'un homme plutôt âgé, mais en forme. Au moins 60 ans, d'après l'aide-soignante, mais elle dit qu'elle a du mal à donner des âges aux gens. Il portait un costume strict, bleu foncé, avec une cravate. Des yeux bleus, cheveux poivre et sel, fournis. Il s'exprimait dans un suédois étrange, soit un dialecte régional particulier, soit un accent étranger. Elle n'a pas su me dire. En revanche, elle est certaine qu'il n'est jamais venu. Elle a dû l'accompagner à la chambre. Ils se sont dit que c'était peut-être lui qui prendrait la relève du père, maintenant qu'il avait disparu. Ça vous dit quelque chose? Bon, non. Pas vraiment, non. Et il leur a dit quelque chose? Rien de particulier. Il s'est juste présenté comme étant Gustav von Enke, l'oncle de Signe. Il était juste, je cite, très aimable. Et la chambre, ils ont remarqué quelque chose? J'ai demandé à deux aides-soignantes si elles avaient remarqué un changement. Elles m'ont toutes les deux dit non et elles avaient l'air sûres d'elles. Comment est-il reparti? On n'en sait rien. Personne ne l'a vu, ni arriver, ni repartir. Il est resté peu de temps, un peu moins d'une heure. Ok, merci Rebecca, merci. Je ne m'y ferai jamais, les gens ne frappent même plus aux portes. Un jour, vous verrez que la direction centrale nous mettra dans des open space, comme ça on pourra interroger les témoins des collègues, participer à leurs enquêtes, ça sera formidable. Bon, à ton avis, tu penses qu'ils cherchaient le cahier? Ah ouais, quand je suis rentré chez moi, j'ai eu le sentiment que ma maison avait été fouillée. Je pense que des gens sont à la recherche de ce cahier. Est-ce que ça t'ennuie si je vais là-bas? Où on a trouvé Louise? Pas du tout, je te montre sur la carte. Je crois que tu dois prendre la prochaine à droite. Ah, c'est vraiment paumé. Comment Louise a pu trouver un endroit pareil? Chez nous, il y a une vieille expression qui dit quand quelqu'un meurt, qu'il a rangé ses chaussures. J'arrive pas à le croire. Linda. T'es déjà là-bas? Je suis sur la route. Je veux voir l'endroit de mes propres yeux. Papa, c'est un vrai cauchemar. Ils disent qu'elle s'est suicidée, mais c'est impossible, je te jure. Louise n'est pas du tout du genre à suicider. Elle prenait jamais de somnifères, elle me l'avait dit elle-même. Les femmes qui se suicident choisissent généralement les médicaments. On n'avale pas une telle quantité de médicaments sans liquide. Ils ont retrouvé une bouteille au moins? Je sais pas. Tu prends un maximum de photos. Il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Ah, oh, c'est sinistre ici, hein. Louise aimait la nature. Elle qui adorait les roses, qui rêvait d'avoir un beau jardin. Ouais, cet endroit est aussi éloigné que possible d'un beau jardin. Était-ce pour ça qu'elle l'avait choisi? Parce que la mort n'est pas belle, elle n'est qu'abandon. Si je devais choisir un endroit pour mourir, à quoi est-ce que je voudrais qu'il ressemble? Et tu sais, je repense à ce cylindre. Et si c'était ça que le sous-marin fantôme cherchait en 82? Les Russes étaient peut-être au courant qu'ils avaient été mis sur écoute. Mais qui les aurait mis au courant? La fameuse taupe que cherchait Akan. Je me rappelle qu'à l'époque, des rumeurs couraient selon lesquelles le chef d'état-major soupçonnait l'existence d'un espion au sein même de la défense suédoise. Les premiers avertissements étaient arrivés par l'intermédiaire d'un transfuge soviétique. Transfuge qui s'était mis à table à Londres en évoquant un agent suédois que les Russes estimaient grandement. Un super agent capable de se procurer les informations les plus sensibles. La taupe que Akan avait peut-être fini par découvrir. J'avais toujours aimé les trains. Ils permettaient de réfléchir, mettre en perspective. J'aimais avant tout remonter les trains, marcher à contresens dans quelque chose qui avance, reculer en avançant. Depuis tout petit, ça m'avait toujours semblé être un tour de magie. Est-ce que Clara aurait des lubies comme ça? Pour la deuxième fois, je voyais défiler Stockholm, ses îles et ses berges. Les forêts dans lesquelles se dissimulaient les trolls et venaient mourir les dames. J'avais l'impression de regarder filer un monde auquel je n'appartenais pas. Chez moi, en Scanie, le paysage est comme une houle. On raconte que c'est une région plane et morne, mais en réalité, il y a des milliers de petits ravins, d'îles et d'accidents de surface. C'est une terre qui vit et respire, qui ne se lasse pas de cacher ses aspérités et ses profondeurs. J'aimais cet endroit. Pas de forêt touffue, seulement la mer à l'horizon. De grandes étendues ouvertes où il était difficile de se cacher. Une terre sincère et imparfaite, chez moi. Yossi? Yossi? Oh, Yossi. Viens là, mon gros. C'est toi qui m'as réveillé? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu une bestiole? Tu me dis pas que les chiens font des cauchemars aussi? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé? Y'a quelqu'un? Allez, mon chien, t'inquiète pas. Merde, j'avais oublié ça. Itterberg. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Kurt, merci de me rappeler si vite. Je crois qu'on a drogué mon chien. Ne me dis pas qu'on a retrouvé Akan mort, je t'en supplie. Non, tiens-toi bien. Ils ont découvert dans le sac à main de Louise une sorte de doublure, comme une poche secrète, tu vois. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Deux bobines de microfilm avec des étiquettes écrites en cyrillique. Tu délires, là? C'est peut-être mieux de garder ça pour nous jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je crois que Louise transportait des documents secrets. C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne.